L'effrayante aventure, troisième partie, chapitre 5. Une ménagerie comme on en voit peu. De diamants, non, mais de glace. Éclatement de facettes, tourbillonnement d'étoiles, flamboiement d'astres. Sous l'irradiation avivée par le geste des trois torches vrilliennes, des girandoles éclataient avec des fulgurations mouvantes, des couleurs de feu qui fusaient en poussière de cristal. Ivres de la vie retrouvée dans cette apothéose de féerie, ils secouaient follement leurs flambeaux, dont les éclairs, pareils à ceux du lycopode, provoquaient des ripostes de météores, des lancers d'aurores boréales, des girations de rayons, tantôt se brisant sur un plan sombre, comme un espace sans fond, tantôt jaillissant dans le vide, comme des balles de plomb en fusion. Sœur Hassel, enthousiaste, avait sauté le premier par l'issue ouverte et était tombée sur une plateforme, sommet d'un vaste pylône d'où la grotte dominée semblait étendre à l'infini ses richesses de reflets et ses queues de comètes. Les deux autres l'avaient suivie. Éblouis, les pupilles dilatées, ils regardaient, jouissant de cette ivresse de beauté, jouant comme des enfants avec ce kaléidoscope de splendeur, ayant tout oublié, les fatigues, les affres de la mort qui étaient passées sur leur tête, s'enveloppant dans cette magnificence qui les pénétrait, rallumant en eux la volonté de vivre. Sœur Hassel, le premier, s'était ressaisi. S'arrachant à l'étourdissement physique qu'il avait subi, il cherchait à se rendre compte des dimensions de la grotte, de son origine, de son orientation. Il n'en pouvait douter, cette excavation glaciaire datait de périodes si lointaines que jusqu'ici la science n'avait pu les calculer. Elle était l'œuvre d'un de ces bouleversements telluriques qui ont accompagné, déterminé la formation de notre sol. Cette grotte était immense. Cherchant à diriger la lumière de sa torche, il n'apercevait au-dessus de lui que des pics aux formes hétéroclites, aiguilles aux arêtes tranchantes, toutes carrées comme des castels du Moyen-Âge, plateformes et balustrades suspendues en dehors de toutes les règles de la statique. En bas, des mamelons, des collines, des blocs d'où des pointes dardaient, comme s'élançant à la rencontre des stalactites qui pendaient des hauteurs. Aussi des creux profonds, sombres, presque noirs. Là-bas, aux dernières limites de sa vision, une énorme tache se plaquait sur la blancheur des névés et une autre sur le sommet d'un des pics cachant sa crête et qui lui inspira le souvenir d'une chauve-souris gigantesque. Alors il s'aperçut que le froid était intense, surtout en comparaison de la température lourde dans laquelle ils étaient si longtemps restés immergés. Et se retournant du côté de l'issue qui lui avait donné passage, il sentit que de là venait un courant tiède qui vivement filait dans la grotte. Tirant de sa trousse un petit thermomètre, il constata que l'ambiance était à 6 degrés au-dessous de zéro, température sans danger pour l'organisme humain. Alors il s'adressa à ses compagnons. « Eh bien, mes amis, que pensez-vous de ce spectacle ?»« Inouï, beautiful, magnifique, splendide !» Les exclamations se heurtaient aux adjectifs débauche d'épithètes. Comme mise en scène, dit la bergère, ça fait la pige au Châtelet. Il n'y manque que des figurantes en maillot. Quel décor pour une féerie de Christmas, compléta Bobby. Donc vous admirez, reprit Hassel. Moi aussi. Mais si vous m'en croyez, nous ferons trêve à notre enthousiasme. D'abord, il fait froid. C'est vrai, j'ai l'onglé. Et il nous sera bon de reprendre un peu d'exercice. « Je ne m'y refuse pas. Ah ça, où sommes-nous ?»« Sur le sommet d'un pic de roche et de glace, » répondit Hassel. « Et je dois ajouter, pour vous arracher aux rêves et vous ramener à la réalité, que, sauf examen ultérieur, nous n'en sommes guère plus avancés que tout à l'heure. Nous savons comment nous sommes entrés ici, mais nous ignorons absolument comment nous en sortirons. »« Oh, diable, je n'y pensais plus, » fit la bergère. « Comme quoi, on ne peut jamais être un instant tranquille, même à 100 pieds sous terre. »« Ça ne fait rien. J'ai eu 10 minutes de bon temps. »« Maintenant, ô vous qui êtes le dieu de la sagesse, racontez votre petite affaire. »« D'abord, avons-nous tous nos outils, la caisse sous mon bras, dit Bobby. Je ne connais que la consigne. C'est bien. Le Vrillium nous a rendu service et nous aidera encore. Tout d'abord, il nous faudra descendre. De notre perchoir, dit la bergère. Mais ça me paraît guère facile. Ce n'est qu'un jeu. Je vois des aspérités qui nous serviront d'échelons. Et en cas d'interruption, le Vrillium nous taillera des marches d'escalier. Mais vous, monsieur la bergère, regardez donc autour de vous et dites-moi donc quelle idée vous vous faites de la grotte. Je la vois énorme, une vraie cathédrale. Mais qu'est-ce qu'il y a donc tout au fond, entre deux pics de glace, une chose colossale, toute noire, une forme arrondie et luisante? Je la vois aussi, tout à fait immobile, n'est-ce pas? Absolument. Mais ce n'est pas la seule. On dirait d'énormes blocs de pierre noire, basalte, granit, peut-être quelque chose comme les moraines, ces roches charriées par la fonte des neiges et qu'on retrouve au bord des glaciers. C'est possible, fit évasivement Sir Hassel. J'irai examiner cela. Nous irons ensemble. J'irai, si vous me le permettez, j'irai seul. Le ton péremptoire, presque autoritaire, de Sir Hassel étonna quelque peu la bergère, mais il commençait à le respecter profondément et ne répliqua pas. « Occupons-nous d'abord de reprendre des forces, » reprit Sir Hassel, de son ton redevenu naturel. « Nous avons besoin de sommeil et il nous faudrait trouver un coin où nous n'eussions pas trop froid. »« Nous pouvons rentrer chez nous, » hasarda Bobby, désignant de la main l'ouverture par laquelle ils avaient pénétré dans la grotte. « Je crois que cela nous serait impossible, » répondit Hassel. « Pourquoi ?»« Regardez vous-même. L'aiguille sur laquelle nous sommes est revêtue d'une couche de neige durcie. Examinez bien, et vous verrez que le courant d'air chaud qui vient de l'ouverture a déjà désagrégé la partie glacée qu'il reçoit directement. » Elle ne serait pas assez dure pour nous servir de point d'appui. Elle se déroberait sous nos pieds et nous nous briserions dans le vide. « C'est par Dieu vrai !» dit la bergère. « Mais alors, peut-être en déblayant la place avec le Vrillium, car décidément il est bon à tout, nous pourrions, profitant de ce peu de calories, installer ici notre chambre à coucher ?»« Essayons !» dit Sir Hassel. La flamme de Vrillium fit merveille cette fois encore. Sur un périmètre de 4 mètres, la glace et la neige furent écartées, puis la roche fut séchée, et les trois hommes s'installèrent sans grand souci de leur futur. La bergère et Bobby, épuisés, s'endormirent profondément, mais Sir Hassel veillait. Certes, il savait bien que sur cette plateforme qui les isolait, lui et ses camarades ne couraient aucun danger immédiat. Mais une idée vague, obscure, le hantait, et lui inspirait la crainte de complications nouvelles, plus terribles encore que celles qu'ils avaient surmontées. Il attendit patiemment. La bergère ronfla, Bobby susurra. Il dormait profondément. Il était libre d'agir. Avec des précautions infinies, il se glissa vers la partie déclive de la plateforme. Ayant attaché à son front un bandeau métallique auquel était fixée une lampe vrillienne, il se mit à descendre. Rompu comme tous les Anglais aux exercices du corps, à tous les jeux d'agilité et d'adresse, et de plus, exceptionnellement robuste, Sir Hassel utilisa à merveille les moindres anfractuosités du roc et de la glace. Bientôt il atteignit une sorte de corniche qui lui permit de prendre quelques instants de repos. Il aspira largement l'air frais qui donnait à ses poumons une nouvelle activité. Bien qu'il ne pût se flatter d'être sorti avec ses amis de la passe effroyable où la fatalité les avait engagés, pourtant il ne s'était jamais senti l'esprit plus libre ni de vaillance plus active. Il avait accepté la lutte, il était certain de ne pas faiblir. Il reprit la descente. Maintenant, il commençait à apercevoir le fond de la grotte, fait de strates congelées qui se chevauchaient les uns les autres comme si le flot d'une rivière s'était tout d'un coup figé en une brusque congélation qui avait arrêté ses mouvements pendant qu'il s'accomplissait encore. Au pied de l'aiguille qu'il abandonnait, un large espace s'étendait, formant une sorte de mamelon de teinte noire comme les taches qu'il avait aperçues d'en haut avec la bergère. Cependant, une couronne de glace entourait la base de toute cette partie d'une blancheur éclatante, ne faisant que mieux ressortir la noisseur du bloc qui gisait au-dessous. Sir Russell posa enfin ses pieds sur cette galerie. Il avait accompli la plus dure partie de sa tâche, mais c'était maintenant surtout qu'il se sentait saisi par une curiosité si intense que son cœur battait à lui rompre la poitrine. Avec une prudence que doublait la crainte de compromettre le succès de l'enquête qui s'imposait à lui, le jeune Anglais fit d'abord le tour de la couronne de glace, projetant la lumière aussi loin qu'il lui était possible. Il aperçut encore des taches noires, mais de dimensions plus petites que celles déjà remarquées. Il sentit quelque chose craquer sous ses pieds. Il détacha sa lampe, se pencha, regarda. Il venait de marcher sur un objet qu'il avait écrasé à moitié, et l'ayant ramassé, il eut un cri de surprise. Très versé dans la science paléontologique, il venait de reconnaître les os d'une aile, qu'il reconnut aussitôt pour avoir appartenu à un ptérodactyle. Cet animal a jamais disparu et dont le crâne avait suggéré au grand anatomiste Richard Owen cette pensée que jamais organe de vertébré n'avait été construit avec plus d'économie de matériaux pour allier la légèreté à la force. Alors, comme si cette découverte avait corroboré certaines pensées qu'il n'osait pas, dans sa modestie de savant, s'avouer à lui-même, il descendit résolument de l'îlot de glace et marcha vers l'énorme tache noire qui avait attiré son attention. Et bien vite, il reconnut que ce n'était là ni un bloc de basalte, ni une masse de granit, mais bien le corps entier d'un animal gigantesque, le mammouth, disparu depuis des centaines de siècles et qui ne nous est connu que par des squelettes ou parties de squelettes trouvées dans les profondeurs des couches paléozoïques. Oui, c'était bien cette masse gigantesque, lourde, véritable ébauche de la nature dont l'éléphant actuel est la descendante réduite au tiers. Et avec une fièvre passionnée, Sir Russell voyait, reproduit sous ses yeux, le prodige naguère déjà constaté en Sibérie, la conservation entière, absolue, par le froid, d'un animal colossal, avec sa peau, sa chair. Il se hissa sur les épaules du monstre pour considérer de plus près cette tête énorme avec ses deux défenses recourbées sur elle-même. Il tâta de ses mains le poil raidi par le froid. Il descendit jusqu'à ses pieds immenses qui semblaient taillés dans un bloc de marbre. Oh, il ne pensait plus alors au danger qu'il courait avec ses compagnons. Il vivait son rêve de savant, palpant ses membres que nulle force humaine n'aurait pu soulever. Quel triomphe pour un chercheur! Quelle réponse victorieuse aux adversaires de l'évolution! Et pris d'une sorte de folie, Sir Russell grimpa sur le corps du mammouth pour mieux examiner les autres taches noires qui, il n'en doutait plus, étaient des animaux préanthropiques antérieurs à l'apparition de l'homme. Et un premier examen ayant confirmé son hypothèse, il redescendit et se mit à courir à travers la grotte. Ici, il retrouvait intact, dans son immobilité séculaire, le mégathérium, avec son train de derrière massif, avec ses pattes projetées en avant et armées de griffes, pareilles à des sabres, et qui saisissaient la proie en la lacérant. Plus loin, c'était, couché sur le flanc, comme endormi, le mastodonte, le proboscidien gigantesque, le géant des mammifères des temps primitifs, avec 6 mètres de hauteur, 8 mètres de long, la trompe non comprise. Là, surpris sans doute et immobilisé par le froid, le mégacéros, l'ancêtre de notre cerf, avec des cornes énormes se déployant en éventail et trouant l'air à une hauteur de 4 mètres. Celui-là, penché sur ses jambes de devant et replié vers le sol, semblait prêt à achever un saut ininterrompu par le cataclysme. Il faillit tomber, s'embarrassant les pieds dans les écailles d'un crocodile monstrueux, mesurant plus de 2 mètres, affalé sur son ventre avec la gueule ouverte comme pour le combat. Enfin, les deux chefs-d'œuvre de cette collection, le seul terme qui put caractériser cette étonnante agglomération de monstres, c'était un brontosaure, le géant des dinosauriens, d'une longueur d'au moins 15 mètres, d'un poids de 15 tonnes. Il était étendu, son long cou relevé et dardant en l'air sa tête minuscule. Et enfin la tache noire que la bergère avait aperçue, dressée sur la paroi d'un bloc de roche ou de glace, c'était le Dinornis. L'énorme oiseau, prototype de nos autruches, et qui du pied au crâne mesurait plus de 3 mètres. L'animal était resté debout, à côté contre la masse qui le soutenait, étonnamment conservé, avec ses plumes longues et raides, encore luisantes. Quelle commotion terrestre avait pu déterminer ce stupéfiant phénomène? Évidemment, une vague de froid s'était abattue sur la région, si terrible, si foudroyante, pourrait-on dire, que devant elle, un groupe d'animaux avait tenté de fuir, oubliant cette invasion terrible, les rivalités et les haines, et par l'afflux soudain des neiges et des glaces, ils avaient été bloqués dans cette caverne où le froid les avait cloués, glaçant instantanément leur sang et leurs moelles. Puis l'abîme s'était refermé sur eux, les enterrant dans cette température glaciale et à jamais conservatrice. Les siècles et les siècles avaient passé, et éternellement ces spécimens formidables des premiers efforts de la nature créatrice devaient rester ignorés. Et il avait fallu, pour que ce repos fût troublé, que John Coxward, le boxeur, ayant volé une montre, vint pour échapper à ceux qui le poursuivaient, sauter par-dessus le mur de Sir Hassel Random et se réfugier, ivrogne affolé, dans le Vrilyogir. À quoi tiennent les destinées? De sa longue course à travers la grotte, Sir Hassel était exténué, mais il ne pouvait abandonner ses compagnons qui, ne le trouvant pas auprès d'eux à leur réveil, auraient pu s'épouvanter et commettre quelque imprudence. Le courageux Anglais, à qui la joie de sa découverte rendait d'ailleurs des forces nouvelles, remonta à la force des poignets et des reins sur la plateforme où il avait laissé la bergère et Bobby. Il les retrouva calmes, immobiles, ronflants et susurrant. Et s'étant laissé tomber sur le sol, il s'endormit profondément. Hélas, son sommeil eût-il été aussi paisible s'il avait pu deviner l'effroyable catastrophe qui allait se déchaîner sur Paris.